Tous les matins, je la découvre au fond de mon café au lait. Et tous les soirs, je la retrouve encore dans mon Beaujolais. C'est comme une vieille maîtresse pour qui je n'ai plus de caresses. Et pourtant, je sais bien que mon heure est venue. Je reviendrai mourir en France. Je finirai ma vie dans mon pays, dormir au lit de mon enfance, même si ailleurs c'est mieux qu'ici. Je ne vais pas vous chanter les larmes aux yeux, vive ma patrie. J'ai rencontré des tas de gens merveilleux dans d'autres pays. Sans être chauvin ni débile, j'ai vu aussi des imbéciles. Et comme en vieillissant le cœur, ça perd la vue. Je reviendrai mourir en France. Je finirai ma vie dans mon pays, dormir au lit de mon enfance, même si ailleurs c'est mieux qu'ici. C'est plus fort que moi, mais quand je regarde tous ces gens d'ailleurs qui viennent chez nous s'offrir nos mansardes privées d'ascenseur, eux qui ont ce confort moderne devant lequel on se prosterne, ou ils sont fous, ou alors je ne comprends plus. Ils viennent tous mourir en France. Ils viennent tous mourir dans mon pays.